C'est une longue, longue route, c'est un long voyage, semé d'embûches, apprendre sans bagage. Apprendre sans bagage. Les panneaux me signalent qu'il est encore loin, le monde où je trouverai celle dont j'ai besoin. Celle dont j'ai besoin. C'est une longue, longue route, un chemin miné sur des accords mineurs, qu'il est dur de marcher. Qu'il est dur de marcher. Chaque pas qui avance est un temps de retard. Tic-tac, le temps se demande s'il n'est pas déjà trop tard. S'il n'est pas déjà trop tard. Pour retrouver un peu de solitude avec toi. C'est une longue, longue route, de mes lèvres à tes lèvres, en passant par le souvenir de ton rire qui s'élève. De ton rire qui s'élève. En monnaie de larmes, je paierai le chauffeur du taxi. Le prix de la course est cher quand c'est l'amour qui conduit. Quand c'est l'amour qui conduit. Vers un peu de solitude avec toi. C'est une longue, longue route, c'est un long voyage, des rivières et des montagnes, et au loin ton visage. Et au loin ton visage. C'est peut-être une des routes, une impasse mal indiquée. Une impasse mal indiquée. Alors je me ferai mon propre passage, ma propre voie pour retrouver un peu de solitude avec toi.